Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Au microphone, Danny Veilleux. Bon, on va ouvrir le bulletin de sport local en parlant des qualifications nationales qui se déroulent actuellement à Ville-Saguenay. Il y a 6 patineuses qu'on connaît dans le secteur qui se sont qualifiées pour la grande finale du 1500 mètres qui va avoir lieu cet après-midi au centre Georges Vézina. Il s'agit d'abord de Catherine Maillot de Saint-Félicien, Flavie Larocheroy également du club de Saint-Félicien, Maud Tremblay de Dolbeau-Missassigny, de même que Karina Montminy également de Dolbeau-Missassigny, ainsi que Marianne Gay de Saint-Félicien. Ils ont obtenu un laissez-passer, par contre, dans le cas des deux dernières, ils ont dû passer par le repêchage. Donc, ça se poursuit aujourd'hui à Ville-Saguenay. Ça va se poursuivre tout au long de la fin de semaine. Maintenant, on va parler de football. David Ménard de Chicoutimi est plus ou moins satisfait de sa saison. On sait que David Ménard évolue avec les Lions de la Colombie-Britannique dans la Ligue canadienne de football. Et dans un premier temps, ben, il mentionne qu'il est plus ou moins content, même si l'équipe a bien performé. Je te mentirais si je te disais que j'étais totalement content, parce que je sens que j'ai pas eu la même productivité que j'ai eu l'année dernière. Mais somme toute, côté équipe, je pense on a vu une amélioration qui était comparable au jour PMI, en fait. Puis ça, tu sais, quand l'équipe va bien, tu peux pas vraiment le plaindre, même si toi, personnellement, ça va moins bien. Donc, je le vois positif, somme toute. Les coachs, ils ont été contents de ma saison. Puis moi, je suis toujours dur à satisfaire, mais quand même, je fais ce que j'ai à faire. Puis je pense que je peux dire que je suis quand même satisfait. OK, mais c'est sûr. Et David Ménard, explique pourquoi, sur quelle façon qu'il n'est pas satisfait de son rendement. Je suis un peu déçu parce que, tu sais, j'ai eu moins de sacs que l'année passée, moins de plaqués. Je me sentais moins impliqué, même si j'étais autant sur le terrain que l'année dernière. Mon rôle était un peu différent, par contre, mais comme je te disais tantôt, quand l'équipe va bien, tu peux pas trop te plaindre. Fait que tu peux voir le positif là-dedans, puis c'est un peu... Maintenant, Ligue de hockey junior du Québec, les Cataractes de Shawinigan ont défait les Wildcats de Moncton 5-1 dans le match. À noter que Samuel Girard a amassé une passe dans la partie. Et je termine avec des matchs de la Ligue Simplette qui se déroulaient au cours des derniers jours. D'abord en junior 2A, notez que le Pro-Lam de Saint-Félicien a gagné 4-2 sur les Cougars de Chicoutimi. Et ces mêmes Pro-Lam ont perdu 3-1 contre les Saguenay de Chicoutimi. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec le président du hockey mineur Hugo Maltais, le président du hockey mineur de Robertval. Également, je me suis entretenu aussi avec l'instructeur-chef des Sabres de Robertval, Jason Lajeunesse. On a parlé à David Ménard de Chicoutimi qui évolue avec les Lions de la Colombie-Britannique. Aussi, vous pouvez entendre David Simard qui nous parle évidemment des qualifications nationales de patinage de vitesse qui a lieu en fin de semaine à Ville-Saguenay, de même que Cassandra Bradette qui revient sur sa performance de la Coupe du Monde. Sport et Calais Régional, à danradiosport.com, la référence du sport, on s'en écoute.